Je voudrais vivre une histoire d'amour. Je voulais vivre une histoire d'amour. Je voudrais vivre. Te regarder près de moi, être bien. Le soleil se lève dans tes mains. Petite heure, une petite fleur, un petit rien, une petite fin. Peu de moi, peu de toi, encore une fois. Qu'est-ce que j'y peux moi si t'existes pas, même si t'étais là.